Nicolas Langelier, fondateur et directeur des éditions Atelier 10, pose la question aux auteurs Anne-Marie Olivier, Catherine Dorillon et Steve Gagnon dans une rencontre où chacun est invité à exposer sa manière de réécrire le monde. À suivre sur votre radio dimanche prochain à 15h. Bonsoir, chers amateurs de rock progressif, et bienvenue à votre émission hebdomadaire Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté au choix musical, à la mise en onde, et Marc Chaunet. Mais avec vous pour 2 heures de bon rock progressif. Et puis Bruno nous a concocté un superbe choix musical avec plusieurs nouveautés, dont Andrea Orlando, le nouveau Nick Turner. Pour finir l'émission, on aura Monarch Trail, qui est un groupe canadien qui est d'ailleurs dans les classements là, des meilleurs albums de l'année. Il récolte beaucoup d'appui. Wobbler, également, nouveau Wobbler. On aura du Maxophone, qui ont sorti un album l'an dernier. La Mascara d'Ichera, aussi un classique, si on veut, de Luxade 2009. Universe Effects, un super bon groupe de Québec. Ensuite, on a également Jetlag. Jetlag, ils ont fait un album unique en 2001. Ça va être à découvrir dans l'émission. Ricard Schoblum, qui est maintenant guitariste avec Big Big Train et qui fait tellement bien. Là, quand on regarde les vidéos, c'est incroyable. Mais on aura une pièce en solo, The Unbendable Sleep. Mais tout d'abord, on a Troposphère, qui est une nouveauté de cette année également, avec un album éponyme, leur premier disque. On y va tout de suite en musique avec Troposphère, et on aura ensuite Ricard Schoblum, Jetlag et Universe Effects. Yeah.

89.1. T'es tanné de donner des bonbons à l'Halloween puis tu cherches une place pour fêter en gang? C'est au Bal du Lézard qu'il faut aller le samedi 28 octobre prochain. Dès 21h, viens entendre de Lowdown Brass Band, un groupe de Chicago avec 8 musiciens qui vont faire décoller la tapisserie des murs avec leur cuivre d'enfer. Sors tes déguisements du garde-robe puis sois créatif. Des prix seront remis aux plus beaux costumes. Ça va être complètement capoté puis gratos. À 23h30, c'est la soirée DJ. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, Limoilou. La Foire du disque de Québec fête ses 5 ans. Cette année encore, plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles. Venez également voir la nouvelle Zone Audio où vous pourrez tester du matériel haut de gamme. C'est un rendez-vous le samedi 4 novembre de 10 à 16 heures au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. De retour avec Bruno et Marc, à l'émission Terra Incognita, on a entendu Universe Effect juste avant la pause. C'est un groupe de Québec. Leur premier album, In the Haze That Surrounds Us, paru en 2016. Et c'était la pièce Against the Influent. On a eu Jetlag, groupe de l'Italie. Ça, c'est une rareté. Là. Delusione Otica. Ils ont fait un seul album en 2001. Je ne sais pas si un jour on entendra parler d'eux, mais c'était vraiment bon. Là, il y avait plein de flûtes. Là. C'était la pièce Re Nudo. Il y avait eu Richard Schoblum. C'est en fait lui, il était dans Birdfish et après ça, ben il a fait quand même quelques albums solo, dont celui-ci, The Unbendable Sleep. Et c'était la pièce Rhyme and Reason. Et on avait débuté avec Troposphère, un album éponyme paru cette année. Et on poursuit en musique avec l'excellent choix musical. D'ailleurs, on parlait de groupe de Québec. Il y a Inner Odyssey le 18 novembre, un spectacle au Cluster de Lévis avec Fractal Cypher. Ça, c'est ce qui s'en vient là, dans le prochain mois. On y va en musique avec un super album du rock progressif italien contemporain, La Maschera di Cera et l'album Lux Ade. Et on aura la superbe pièce Encyclica 1168, donc, et Maxophone. C'est un retour après plusieurs années pour Maxophone qui avait fait un seul album dans les années 70, La Fabrica delle Nuvole et Un Ciclone sul Pacifico. On y va en musique avec un beau bloc italien, Graciosi de Bruno sur les ondes de CKRL. We'll be right back.

tendere la mano, benevola verso l'uomo, cercando di capire ciò che ormai è proteso verso un nuovo rifugio. luce cadono solo dai rami bagnati. Dissetata la terra, veste a festa negli specchi del sole. Scontento e le parole diverse. CKRL. Québec. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. CKRL est en nomination dans la catégorie Radio de l'année au prochain gala de l'alternative musicale indépendante du Québec et c'est le temps de voter pour votre radio. Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca pour tous les détails. Vous pouvez voter jusqu'au 10 novembre. Aidez CKRL à remporter le premier prix de Radio de l'année au GAMIC. De retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. J'espère que vous avez aimé ce beau bloc italien, gracieuseté de Bruno, avec La Maschera di Cera, tirée de Lux Ade, paru en 2004. Et c'était la pièce Encyclica 1167. Et Maxophone, La Fabrica delle Nuvole, un extrait de la pièce Un Ciclone del Pacifico. Alors, on y va maintenant avec la Norvège, Wobbler, leur nouvel album. On vous invite à aller faire un tour sur notre site www.terraincognita.québec, la section radio, et vous aurez tous les contenus de nos émissions et les liens vers les podcasts. Alors, vous pourrez réécouter les émissions à votre... à votre guise. Et on y va avec donc la nouveauté de Wobbler et également le groupe canadien Monarch Trail, tiré de Sand et la pièce Sand. Alors tout de suite en musique. Some clothes, some garlic, and the roots of ancient trees. Leave all

Day they will remain. We'll stay.

Alors, on va terminer avec Andrea Orlando de l'Italie, une nouveauté de la Vita Authentica également, avec des musiciens du Z-Band. Alors, on ira avec la pièce titre de cet album. Thank you.